on prend du recul, on ne parle pas de... On ne parle pas. Quand on prend du recul, on ne parle pas. Thank you. was amazing. Ouais, moi aussi, il faut que j'arrête à 22h, donc il est l'heure d'arrêter. Et ouais, je sais, c'est pas les US, mais bon, c'est pas le... Ah, il se fout bien, hein, quand même. Faire raqueter par une clinique privée, c'est exactement les US, en fait, là, par contre. C'est comme ma pote. Ma pote, du coup, elle s'est fait faire des danses, un geste, machin. Et ben, ils ont fait raquer sa race, en fait. Que ça serait pas pris en charge et tout machin. Y'a pas de plafond pour les dents, pour les pieds, pour les ongles incarnés, j'en sais rien. Bye bye Till, à tout bientôt, on n'est pas si loin, la dèche, c'est que dalle, on n'est pas loin en charrette, on se retrouve bientôt. See you! À bientôt Mike.